Bon après-midi tout le monde. Salut Daniel. Vendredi, tu as parlé de ce que nous réserve l'astral, puis aussi que nous réserve l'intelligence. Puis entre autres, dans que nous réserve l'astral, ce que tu nous as dit, c'est que le Québec finalement était privilégié parce qu'on lui coûtait un. Le Québec était privilégié. J'ai dit que ça donnait que cette année au Québec, l'astral laisserait libre certaines personnes qui ont tendance à se conscientiser. Ça peut arriver aussi dans d'autres pays, c'est pas le même privilège. Bon. Ces personnes-là, par contre, vont être quand même manipulées par ce que l'astral leur réserve, c'est-à-dire de continuer à dissonner. Oui, c'est-à-dire que l'astral va s'arranger pour que la majorité des Québécois, donc ça peut être comme ça à l'échelle de la planète, on parlait du Québec, l'astral va s'arranger pour que la majorité des Québécois continuent à dormir, n'appliquent pas ce qu'ils ont à appliquer, n'appliquent pas ce qu'ils savent ou connaissent. Par contre, les individus qui vont avoir suffisamment d'autonomie au niveau de leur intelligence pour s'écœurer de cette mécanique-là, eh bien, l'astral a prévu de les laisser libres de façon à ne pas perdre trop d'énergie à essayer de les récupérer. Ça ne servira peut-être pas à grand-chose. Bon, c'est pas fait, ça. Autrement dit... C'est ce que l'astral prévoit faire. C'est ça. Elle prévoit les laisser faire. Par contre, ces individus-là, c'est pas fait qu'ils soient libérés. C'est eux autres qui devront faire quelque chose pour se libérer. Oui, ça va être relativement fait. Plus facile en 93, ça n'a rien à voir avec les dates, là, mais ça donne dans ces temps-là. C'est plus facile en 93 pour les individus qui en ont ras-le-bol et qui veulent réellement se conscientiser. Ça va être un peu plus facile au niveau astral parce que l'astral, dans sa stratégie, a prévu de les laisser aller. Évidemment, ce n'est pas des prophéties. L'astral peut changer en fonction des mécaniques événementielles planétaires et aussi, surtout, en fonction de l'intervention de l'intelligence. Mais ici, l'humain qui se conscientise fait ça suffisamment intelligemment. Et il y a de plus en plus de facilité et de possibilité d'appliquer ce que nous sommes. L'astral prévoit de ne pas trop essayer de les limiter parce que ça ne sert à rien. Un peu parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans, j'avais expliqué clairement l'astral. On l'avait fait une fois en conférence, puis je l'ai refait d'autres fois ailleurs. Pourquoi l'être intelligent s'occupe-t-il tant de l'astral? Parce que l'astral passe son temps à l'écœurer. Si l'astral lui fout la paix, ben l'être intelligent ne rentrera pas en guerre contre l'astral, il n'y en a rien à foutre non plus de l'astral. Par contre, si l'astral te laisse en paix, tu n'iras pas contre sa gueule à l'astral. Bon, c'est ça. Donc, c'est une année pour ça. Mais par contre, l'astral peut les laisser dans le bar. Ben, l'astral fait tout au départ pour s'arranger pour que la masse humaine ne se réveille pas, continue à dormir, continue à vivre en animal humain. On parlait, par exemple, des sens. Lors de la dernière conférence, l'un des sens qui nous permet de voir dans le monde astral, l'un des sens les plus développés, c'est la pensée. L'être humain, les séminaristes savent très bien que la pensée, c'est une manipulation majeure. Et c'est l'un des sens. On a l'ouïe, on a la vision, on a l'odorat, etc. Et dans les sens physiques, dans les sens astraux, il y a plusieurs sens. On a vu un grand nombre. Parmi ces sens-là, il y a la pensée, qui est un sens. Sauf que l'être humain s'identifie fortement et intimement au sens qu'on appelle la pensée. Il s'identifie totalement à l'oreille, sauf que l'humain s'identifie énormément à sa pensée. Même si les séminaristes savent que la pensée est une illusion, la pensée c'est un sens, c'est-à-dire que ça nous permet de voir dans un monde. Nous, on pense qu'on ne pense pas qu'on voit dans un monde, on ne perçoit pas qu'on voit dans un monde. On perçoit que c'est ça, nous autres. Oui, c'est ça. En ce moment, ça nous nuit plus qu'autre chose. Ce qui arrive simplement, c'est ça, c'est que quand on, comme d'ailleurs Charles expliquait, tu peux te coucher le soir et là, tu te rends compte que ça passe dans ta tête. Puis le matin, tu ne t'en rends compte plus le matin, tu penses que c'est toi. Tu vis ta journée comme un imbécile. Et quand tu te couches le soir, subitement, tu te détaches du sens de la pensée. Puis tu vois, tu continues à penser, donc à voir dans l'astral. Puis là, tu aimerais que ça arrête. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les séminaristes, les gens qui sont conscientisés, savent très bien que la pensée est une force manipulatrice, sauf qu'ils vivent toute leur vie, diurne, pour ceux qui travaillent de jour, ils vivent leur vie diurne, assujettis au phénomène de la pensée, et de temps en temps, de très rare temps en temps, ils découvrent qu'ils ne sont pas à la pensée. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ben, ils le savent, sauf que l'astral s'arrange pour continuellement, par un paquet de stratégies extrêmement subtiles, continuellement, relier, rattacher L'être humain réel, dans le peu qu'il exprime dans son corps physique, a cette mécanique sensorielle de perception du monde astral. Donc, continuellement, la mécanique astrale s'arrange pour donner à l'être humain fondamental, l'être nouveau, l'homme, la femme, l'enfant nouveau, l'être réel qui s'exprime un peu dans le corps physique, l'astral s'arrange pour lui donner le maximum de ce qu'il a besoin pour se reconnaître. Bon, comment... Ça, c'est tout des trucs de l'astral, là. Comment... Étant donné qu'on n'a pas de libre-arbitre... Voyons, c'est dur à dire. On n'a pas de libre-arbitre. Comment faire en tant qu'être conscientisé pour arrêter ce jeu, dans le fond, des petites miettes que l'astral donne, arrêter ce jeu-là? Oui, voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être global, lorsqu'il descend à l'intérieur du corps physique, il a besoin de ça pour être capable de se repérer. C'est-à-dire que l'être global, c'est un être spontané, donc instantané. C'est-à-dire, c'est un être inexistentiel qui ne provient pas de l'existence. Il est totalement désassujetti de la mécanique mémorielle ou futurale du temps. Bon, mais évidemment, de la mécanique du présent. Lorsque l'être global s'exprime à travers un contexte temporel, un corps physique, par exemple, qui, lui, est limité, qui est restreint, qui est régi par le temps, il doit laisser des balises. La problématique, c'est que les balises que l'être global, donc l'intelligence, laisse à travers l'expression d'un corps physique, la majorité des balises, la majorité des petites balises qui sont laissées, il n'y en a pas encore énormément qui sont laissées, plus l'être est conscient, plus il y a de balises qui sont laissées. Alors, les balises qui sont laissées sont des balises qui ont la problématique d'être ténues, c'est-à-dire très atténuées en ce qui concerne leur valeur temporelle. Donc, ce sont des balises qui ont de la difficulté à persister dans le temps. Autrement dit, quand je suis conscient de moi-même, je laisse quelques balises, mais une heure après, ces balises-là ont eu de la difficulté à suivre dans le temps. Des balises trop spontanéisées. Bon, tu veux dire que tu les laisses pour toi quand tu vas être moins réchauffé? Je les laisse pour moi quand je suis moins réchauffé, mais en même temps, je m'en sers pour terrestrifier ma présence instantanée. Autrement dit, je sais qui je suis quand j'ai des balises. Ces balises-là ne sont pas nécessairement de la télékinésie. Ça peut être des balises énergétiques qui font que subitement, là, présentement, je sais que je ne suis pas un être de pensée. Je sais que je ne suis pas un être de désir. Je ne suis pas un être de peur, de crainte, de jalousie, de plaisir. Je sais. Sauf que 20 minutes après, je peux être en train de manger ma caramilk et avoir un plaisir fou. Je ne sais plus que je ne suis pas un être de plaisir. Parce que la balise, lorsque je suis descendu dans mon corps physique, les balises que j'ai laissées sur l'instantané ont eu de la difficulté, sont atténuées dans le temps. Alors, ce qui arrive, c'est que vu qu'elles sont atténuées dans le temps, l'astral, son jeu, c'est de prendre connaissance des balises que je dois placer dans le temps lorsque je suis, disons, dans le présent, et elle copie ces balises-là et elle va maintenant les restituer sa propre valeur au niveau temporel, dans l'idée que je me fais des balises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une demi-heure après, moi, l'être instantané, je me fie aux balises dans le contexte planétaire pour être capable de me restituer, de me localiser dans le temps, mais les balises que j'ai semées, ont été atténuées à travers l'évolution du temps. En plus, elles ont été copiées. Et elles ont été copiées et remplacées par des balises astrales, et moi, je me fais leurrer par les balises astrales, ce qui fait que j'ai inconsciemment l'impression que je suis ça. Pourquoi? Parce que c'est des balises que j'ai laissées. Donc, progressivement, le peu d'intelligence qui s'est exprimé finit par s'exprimer à travers l'astralité des balises. Donc, progressivement, je reste un être conscient en train de manger ma caramille et je suis convaincu que ça fait partie de ma globalité, de mon être-té. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, l'astralisation des balises devient tellement brute que ça en devient absurde pour mon intelligence. Donc, après une heure, 60 minutes, après une journée, après trois jours, après une semaine, après un mois, subitement, je me rends compte que ces balises-là, c'est pas moi. Et là, je me dis, voyons donc, j'étais encore en train de recommencer à faire mes mêmes maudites cochonneries, je veux cesser. Donc là, je reprends conscience, je réinstalle des balises, mais une demi-heure après, et c'est la problématique. L'être global doit être un être instantané. Dans le contexte planétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas considérer que les choses qu'il implante sont des choses qui vont rester. Ce sont des choses qu'il doit réimplanter sans arrêt. Sauf évidemment, plus l'être devient conscient, plus l'être a la capacité d'altérer la forme. Plus l'être a la capacité d'altérer la forme, plus l'être a la capacité d'altérer l'astral, évidemment la mémoire de la forme. Donc, plus l'être est conscient, plus l'être va prendre le... Plus l'être va comprendre conscience de l'importance de contrôler la forme, donc de contrôler l'onde de forme, donc de contrôler le contexte, le milieu, la société, ces choses-là. La société pas dans le sens humain, la société dans le sens formique, parce que l'humain va découvrir progressivement qu'en transférant le peu d'intelligence qui cohabite avec lui dans la forme, il va se consolider les balises que son intelligence veut laisser à travers, disons, l'évolution temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends que je n'ai rien à foutre de la table, des verres, de l'automobile, du confort, etc., pas en tant qu'être global, sauf que je découvre et je comprends que si je ne m'occupe pas de confortabiliser mon extérieur, d'esthétiser mon extérieur, que ce soit moi-même, que ce soit l'extérieur, dans une heure, dans une heure et demie, dans deux heures ou dans trois heures, j'aurai oublié qui je suis. Donc, à un moment donné, l'être inconscient comprend qu'il vit dans l'astral, donc il doit appliquer des lois astrales, au-delà de sa gêne ou des manipulations astrales qui vont lui dire « Écoute, tu ne joues pas dans l'astral, tu vas être encore un être astral. » L'astral qui dit ça, là. Pour pas que tu viennes prendre, jouer avec les mécaniques. Donc, à un moment donné, je vais décider que le pot d'eau, quand le serveur me l'amène, je veux qu'il le place au centre de l'assiette ou qu'il ne mette pas d'assiette. Pourquoi? Parce que je ne veux plus que les choses soient tout croche. Bon. C'est évident que si astralement, si je suis un être conscient, je ne suis pas astralisé dans ma demande. Par contre, la perfection de la chose fait en sorte que je peux m'en servir comme balise. Donc, tout doit être impeccable, de plus en plus impeccable, comme les tables ici sont légèrement croches. Bon, il y a un paquet de petites choses qui vont faire en sorte que lentement, l'onde de forme devient plus royale, en réalité plus énergisant, et l'être ou les êtres qui vivent dans ce contexte sont des êtres qui vont s'endormir beaucoup plus lentement, de moins en moins souvent, et donc de moins en moins rapidement, et qui progressivement vont être capables de rester suffisamment réveillés grâce à l'onde de forme qui les entoure pour être capables de rester réveillés jusqu'à la prochaine descente de leur intelligence. Donc, ils vont être des êtres beaucoup plus réveillés que ce qu'on a normalement. Parce qu'on va entretenir les balises, donc la forme, et parce qu'on va comprendre que la façon dont tu t'habilles fait partie des balises que tu laisses, de l'onde de forme, c'est astral. Oui, c'est astral, sauf que les balises qu'on laisse actuellement sont très, très ténues parce qu'ils ont de la difficulté à suivre le cheminement du temps, et elles sont remplacées immédiatement par des copies astrales. Donc, l'être humain se fait ramasser. L'être humain le sait, l'être humain le fait. L'être humain sait ce qu'il ne doit pas faire, pas son temps le faire. L'être humain sait qu'est-ce qu'il est. Il l'oublie sans arrêt ou il vit comme s'il ne le savait pas parce qu'il le sait là. Il laisse des balises. Les balises les plus importantes vont être les individus qui nous entourent. Par exemple, si je suis constamment entouré de personnes refroidies, je me demande régulièrement qui je suis. Bon, mais c'est justement un point que je vais apporter, là. Apporte-le. C'est que tout ce que tu dis, c'est vrai, il faut laisser des balises dans l'onde de forme. Mais si on le fait pas, si on le fait en tout cas avec plus de difficultés, c'est par manque d'énergie. Puis pour avoir de l'énergie, il faut des balises. Il faut des balises, mais il faut de l'énergie, parce que ça devient... Bon, il faut des balises, il faut de l'énergie pour mettre des balises. Les balises nous donnent de l'énergie. Oui. Il faut, bon, mais pour commencer, ça nous prend plus d'énergie. Et les individus qui nous entourent, de même que nous-mêmes, c'est eux qui apportent l'énergie. Puis comment on fonctionne? C'est qu'il y a toujours un fer de lance, donc une couple de personnes qui sont à la tête, qui voient. Puis il y a des gens qui sont en dessous. Bon, il y a différentes strates, là. Puis ça, ces gens-là, c'est très important que ces gens-là aient de l'énergie pour supporter ce qui est en haut. Mais comment faire? Ben, c'est sûr que si on a des balises, si on a une onde de forme, si on est royal, ben, ces gens-là vont croire à ce qu'on est. Mais comment faire en attendant pour être supporté assez longtemps pour pouvoir les instaurer, ces balises-là, de façon... Bon, premièrement, il faut absolument que les gens qui soutiennent le fer de lance soient des individus à caractéristiques conscientes, donc des êtres conscientisables. Nécessairement, à travers le système planétaire, il y a des êtres qui font partie du rêve, qui font partie du cauchemar, qui sont des des individus qui n'existent pas dans la réalité. Et quand je dis qu'ils n'existent pas dans la réalité, ces personnes-là n'existent pas dans la réalité de notre monde. C'est des figurants. Ce sont des figurants. Sauf que pour, dans la réalité de leur monde, nous sommes des figurants. Bon, nous pouvons être des figurants, étant donné que leur monde peut être un monde extrêmement médiocriste, nous pouvons être des figurants avec les rôles principaux. Bon, dans leur conscience à eux. Ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs, pour qu'ils nous fichent la paix. Dans notre monde à nous, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, disons, sur 5 milliards d'humains, il y a près de 98 % de ces humains-là qui sont des figurants et qui ne font pas partie de notre monde. Mais nous faisons partie aussi de figurants pour leur monde. Ce que je veux dire, c'est que tous les humains n'iront pas à la même place. Il y a 3-4 pièces au moins qui jouent en même temps. C'est ça. Alors, étant donné qu'on filme 3-4 films en même temps, bien, nécessairement, il y a des voleurs qui se pointent dans ton scénario, puis c'est pas prévu. Mais c'est le scénario du voisin. Bon, ceux qui ont vu le film Ding et Dong, ça peut vous donner une idée un petit peu. Quand eux sont supposés faire les cascadeurs dans un film, puis qu'ils se ramassent dans leur film, bien, les policiers qui sont là n'ont pas l'air d'être au courant de ce qu'ils doivent faire, puis bon, c'est une espèce de mélange, mais ça reste un film. Eux se ramassent en prison dans un film, mais dans leur scénario, ils ne devaient pas se ramasser en prison, ils devaient être payés. Non, donc c'est problématique, autrement dit. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il faut donc que l'être humain comprenne, premièrement, que tous les humains ne font pas partie de leur scénario, de leur film. Donc, tous les humains ne font, par exemple, pas partie de mon scénario. Comme tous les humains de l'époque du Nazaréen ne faisaient pas partie du scénario du Nazaréen. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui doivent être réveillés et il y a des êtres humains qui doivent être énergisés. Bon, on peut dire manipulés. C'est-à-dire qu'ils doivent être confortabilisés, ils doivent être bonheurisés. L'être humain malheureux est un être humain qui se nuit, qui nuit à son scénario puis qui nuit à mon scénario. L'être humain heureux, c'est un être humain qui cesse de me nuire, puis il va de toute façon pouvoir mieux faire ce qu'il doit faire lui. Mais le malheureux, là, qu'il soit dans n'importe quelle pièce de théâtre, nuit à ton scénario. Absolument. Bon, c'est évident que plus il est loin de moi, moins il nuit. Mais il faut absolument, à ce moment-là, s'organiser pour bonheuriser la planète. Bien, il faut bonheuriser, en tout cas, le maximum. La façon la plus facile, évidemment, c'est de rendre l'astral plus heureux. Et ça se fait surtout par l'éducation et l'instruction. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui... C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a nécessairement une grande partie... On peut contrôler l'humain et passer notre temps à contrôler l'humain. Puis on peut instruire et contrôler l'astral qui, elle, s'occupe de contrôler l'humain. Ben, c'est le chemin le plus court. Évidemment, c'est le chemin le plus court, mais c'est le chemin qui offre le moins de plaisir astral parce que tu... ne peut pas planter celui qui vient t'écœurer. Tu dois lui pardonner. En réalité, tu dois le pardon, à ce niveau-là, c'est le pardon du spirituel. L'être conscient doit comprendre que c'est un être manipulé, donc il ne peut pas y en vouloir. Alors, par contre, il va se retirer quelque part ailleurs et il va gagner le monde astral pour aller tripoter l'astral pour que l'individu ne soit pas puni pour ce qu'il a fait et pour que l'individu ne recommence plus. Bon, sauf qu'évidemment, pour un être égoïque ou pour un être astral, ce n'est pas le chemin le plus intéressant. Surtout que tu n'as pas, tant que ce n'est pas suffisamment conscient, tu n'as pas l'impression que ça fonctionne. Mais de toute façon, il faut être suffisamment conscient pour arriver à faire ça. Ben oui, mais l'être humain qui s'essaye n'a pas l'impression que ça fonctionne. Exemple, tu te fais couper en conduisant ton automobile par un imbécile, pour prendre le langage humain. Alors, tu klaxonnes, tu frappes son pare-choc un petit peu, tu lui envoies des doigts, et puis des poignées complètes, bon. Et puis, il faut bien les instruire, ce monde-là. Mais le gars, il n'a pas été instruit, la fille, il n'a pas été instruite, elle va recommencer à conduire comme ça avec d'autres, simplement. Ça ne va rien changer. De toute façon, ça, c'est le vieux scénario de temps. C'est ça, mais égoïquement, l'individu a l'impression que si là, il fait quelque chose, là, il se respecte, là, il se prend en main. Mais il est totalement le jeu du jeu. Si l'individu comprend que c'est une feuille morte poussée par le vent qui vient d'être coupée, sous la forme d'une automobile avec une personne dedans qui a l'impression qu'elle contrôle l'univers, elle ralentit, le laisse aller, puis ça finit là, puis elle continue sans sécréter, Elle travaille beaucoup plus l'astral, c'est beaucoup plus performant, informant et formant pour l'astral que le scénario A. Sauf que pour l'individu ou le peu d'ego qui l'habite, il a l'impression d'être en dessous de la terre. On est au-dessus, il faut être conscient. Il y a évidemment celui qui est non-violent parce qu'il ne sait pas se battre, puisqu'il a peur de se battre. Il y a celui qui est non-violent, qui pourrait faire de quoi, mais qui ne le fait pas parce qu'il sait ce qu'il fait. Ça, est-ce que c'est donné à tous les conscientisés, conscientisables actuellement d'instruire l'astral de cette façon-là? Oui, sauf que la majorité, ne plaçant pas les bonnes balises, ne consolidant pas les balises matérielles autour d'eux, souvent se font simplement jouer. Alors, ils vont, par exemple, spiritualiser leur intervention s'ils font une intervention intelligente, c'est-à-dire que spiritualiser, c'est émotiviser. Certains vont cartésianiser, vont rationaliser. « Ah, moi, je ne chiole pas parce que je ne veux pas instruire l'astral. » C'est de la spiritualité. Bon, à un niveau mental, mais ça reste de la spiritualité. C'est-à-dire que la personne doit s'expliquer, se bonifier, se valoriser. « Moi, je suis bon, c'est pour ça. Moi, je suis conscient, c'est pour ça. » Ça fait partie encore des problématiques. Un être conscient, quand moi, je vois, par exemple, une roche qui déboule la montagne, qui me fonce dessus, je me tasse, et quand elle part, je ne me dis pas, « Ah, moi, je me suis tassé dans le but de permettre à la roche d'évoluer pour ne pas m'instaurer l'astral que je suis manipulable. » Non, ce n'est pas ça du tout. Moi, je laisse la roche tomber, puis je continue mon chemin. Là, je suis un être réel. Si c'est un être humain qui me saute dessus en criant et que je décide de me laisser passer, de le laisser passer, l'être humain qui est spirituellement mental, donc qui s'approche de la religion mentale, lui va rationaliser, cartésianiser, il va expliquer, s'expliquer, il va donc se justifier dans son intervention. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience réelle du fait du syndrome de l'électron puis du syndrome de la feuille morte. C'est que ce qui se passe autour fait partie des choses manipulées. Ça pourrait en venir aux balises, là. Il y a le fer de lance. Il y a les individus qui sont les figurants, qui sont plutôt les feuilles mortes. Ça veut dire qu'il y a le fer de lance, il y a énormément d'individus qui font partie de la lance au complet. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a les figurants. Bon, ceux qui font partie de la lance au complet, là, ces gens-là, comment ils peuvent faire pour instaurer les balises ou apporter l'énergie pour instaurer les balises? Ça prend le temps que ça prend. Pourquoi? Parce que nécessairement, il faut que plus l'astral est instruit et informé par l'élite des individus qui se conscientisent, plus il y a de contact entre des êtres transtemporels, de l'intelligence supramentale, des êtres supramentaux et les êtres humains qui se conscientisent, qui font partie de la pointe, plus il y a de contact, plus l'astral est informé. Plus l'astral est informé, plus l'astral va se détacher du désir de manipuler les êtres qui se conscientisent. Plus cela va se faire, plus les êtres qui se conscientisent vont être capables de consolider leur balise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu conçois une balise, mais dans ta pensée, dans la vision astrale, on vient te dire, « Regarde, c'est bien niaiseux, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est un être réel n'a pas besoin de balise. » C'est vrai, dans 200, 300, 400 000 ans. Bon, c'est vrai. Sauf que l'être humain se fait jouer ces choses-là. Comme par exemple, tu décides de te payer un bain flottant. Tu vas quelque part, tu payes un bain flottant pour te relaxer. Puis là, en dedans, ça dit, oui, un être conscient va-t-il aller flotter dans l'eau collective d'un bain flottant? Bon. Hein? Un être conscient n'a pas besoin de tout ça. Il n'y a rien qu'à s'organiser tout seul chez lui. Mais c'est même pas vrai, ça. Mais je sais que c'est pas vrai. Mais l'humain se fait ramasser comme ça. Mais c'est comme... Puis là, l'humain, il dit, ben non, c'est vrai, tout seul chez moi, je suis bien mieux. Mais tout seul chez elle, elle ne fera rien. Bon. Un être conscient a-t-il, de temps en temps, besoin de nourrir son corps astral? Par exemple, il va aller s'acheter un petit pinson, un chien, un Bien chat. Oui. Il va aller s'acheter un furet. Mais là, la spiritualité mentale, donc la mentalisation, voyons, un être conscient n'a pas besoin de ces petites niaiseries-là. Donc, on pourrait revenir, un être conscient a-t-il besoin de manger? Mais pourquoi? Parce que ça fait plus mal de ne pas manger, tu vas dire non, mais tu manges quand même. À un moment donné, il faut absolument comprendre que tu es quelque chose, mais que présentement, tu es prisonnier d'un cauchemar qui s'appelle la Terre, et que pour t'en sortir, tu dois remonter les marches. Un peu comme le président de la compagnie n'a pas besoin de prendre l'ascenseur ou les escaliers montent en haut, le monter au 15e étage ou l'administration, il va faire ça, l'administration va descendre en bas, faire la réunion. Mais s'il fait ça et ça ne marche pas parce que son clic n'est pas assez fort pour qu'au 15e étage, on l'entende vibrer, ben, si c'est un être que réel, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre, il va se dire, c'est pas mon carbo, ben, qui mange de la marde puis il s'en va, ou ben non, s'il prend l'ascenseur puis il monte en haut. Puis il y a plein de personnes qui font ça encore. Ben oui, ils sont en bas, prennent pas l'ascenseur, prennent rien, et toute la vie semble... Oui, mais si dans l'intelligence, on devrait pas avoir à... C'est vrai, mais actuellement, l'intelligence se limite à une partie de ta conscience, pas au monde. Donc, tu n'es pas dans l'intelligence. Donc, tu es sur la planète Terre, un être conscient devrait comprendre qu'il prend l'ascenseur. C'est simple. Oui. Même si toi, tu sais très bien que dans le monde d'où tu viens, tout ça n'a pas de besoin, tout ça n'est pas un besoin, tout ça n'est pas réel, tout ça n'existe pas. Mais actuellement, dans le cauchemar où tu es, et l'astral se sert énormément de ses contacts séraphiques entre le monde d'où tu viens et le monde où tu es, pour te faire croire que tu n'as pas à rien faire. Reste donc assis, puis attendons. Un être conscient, là, ben il va avoir la job qu'il a besoin. Bon. Un être conscient, s'il va aller au Pérou, il va y aller. Le Boeing va atterrir dans son salon. Bon. Il n'y a pas besoin d'acheter de billets. Un être conscient, selon la théorie de je ne sais quoi, ne devrait pas avoir besoin de faire ça. On est sur la Terre. Vous partez de l'an 3000, vous descendez en l'an 1900, même pas, en l'an 1200, tous nous autres. Et là, on est rendu en l'an 1200, on était bien comme on est là, mais on se rend compte que les automobiles n'existent pas, l'électricité n'existe pas, que la médecine n'existe pas, que bref, il n'y a rien qui existe. Et par rapport à nous, il n'y a pas grand-chose qui existe, il n'y a vraiment rien qui existe. Alors, les vêtements sont extrêmement pesants, extrêmement collants, extrêmement salissants. L'eau à cette époque-là est mauvaise pour la santé. Ça rend malade quand on prend des bains, mais c'est des bains collectifs, c'est pourri de virus, c'est de microbes. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Bien, on se dit, nous, des êtres intelligents comme nous sommes, nous devrions peser sur le bouton pour appeler la servante. Il n'y a pas de bouton. Et on est en 1200, il n'y a pas de bouton. Le seul bouton qu'il y a, c'est des boutons de lettres sur la face du monde. Il n'y a pas de bouton. Alors, nous, des êtres conscients, on devrait s'adapter à l'an 1200. On devrait changer l'an 1200. Mais de tout d'un coup sec, puis se ramasser sur le bûcher, non. Mais ce que nous, on va faire... Mais ce qui est anglais, d'ailleurs. Ben oui, c'est bien évident. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'arranger pour retrouver peut-être d'autres individus qui sont ici depuis plus longtemps que nous, donc qui ont plus oublié, et qui viennent de l'avenir, les réveiller, sans faire d'étalier. Eux connaissent déjà les stratégies. Ça peut être un prêtre, missionnaire, un moine, plutôt dans un monastère. Tu vas le voir, puis lui t'explique, oui, effectivement, on peut faire ci, on peut faire ça, mais il ne faut pas aller trouver, tu sais, un grand sage que tu dis. Il est bien foireux, lui. Lui, il n'est pas foireux. Lui, ça fait trois vies qu'il meurt sur un bûcher. Cette vie-ci, là, il est dans un monastère, il écrit des livres, il copie des choses, prend ça relax, il attend à l'an 3000. Bon. Sauf que toi, tu le rencontres, lui, il va te dire, écoute, tu as raison, mais... On ne doit pas faire ça comme ça. Et si toi, tu as la religion mentale, la spiritualité, la mentalisation, tu vas dire, voyons alors, il faut y brosser le monde, il faut y réveiller le monde. Non, non. Ici, là, il ne se réveille pas le monde. Le monde, il dort, puis le monde, ils sont bien quand ils dorment. Quand tu les réveilles, le monde voit toute la douleur et la souffrance, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tuer le sonneur de cloche. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire. Il faut lentement s'immiscer dans l'oreille, puis leur dire que sur 300 millions de choses qu'eux autres croient vraies et qui sont fausses, il faut que tu leur dises, ah, regarde, il y a la possibilité minime que une seule chose soit peut-être pas tout à fait juste. Mais là, on est rendu là, ils vont avoir peur de toi. Ils vont te respecter, mais ne te tueront pas. Puis celui qui est dans une religion mentale, il va envoyer promener le moine. Il va décider qu'il va faire à sa façon. Et c'est ce qui se passe ici présentement. Il y a plusieurs personnes, évidemment, les gens ont oublié. Pourquoi est-ce que les gens ont oublié? Les gens n'ont pas oublié d'où ce qu'ils viennent. C'est que de l'endroit d'où on vient, il n'y a pas de gestion temporelle limitée comme ici. C'est exactement comme si notre mémoire, là où on vit, est une mémoire qui se lit sur un disque audio numérique, par exemple, un disque numérique, et descendu au 20e siècle, ben, il n'y a pas de lecteur numérique. Fait que la mémoire que tu as, c'est quoi? Ah, ben, tu peux rien faire. Alors, les gens ont plus oublié comment c'est d'où ils viennent, parce que là où c'est gravé, la matière, le plasma dans lequel est gravé la mémoire d'où on vient, est à peu près pas lisible ici. Alors, évidemment, on fouille dans des vieilles affaires, on trouve une vieille cassette ordinaire, c'est écrit dessus, ah, tiens, ça se passe de même dans le temps. On met ça dans un lecteur, là, on écoute. Là, on a de la difficulté, actuellement, à conscientiser notre réalité d'où on vient, parce qu'on n'a pas les lecteurs temporels actuels pour être capable de lire. Plus l'humain se conscientise, plus l'humain développe l'outil nécessaire pour lire la mémoire de ce plasma-là, de cette énergie-là. Et plus l'humain se conscientise, plus l'humain a accès à la mémoire. Bon, à la mémoire fait juste lui dire, c'est le même qui se passe là-bas, c'est là d'où tu viens. Fait que c'est pas l'énergie, ça, c'est juste la mémoire. C'est juste la mémoire, et cette mémoire-là, elle est utilisable parce que ça va permettre à l'individu de retrouver son chemin. Mais l'astral s'en sert pour continuellement soit engendrer la religion mentale, cartésianisée, te faire croire que je n'ai d'intelligent, moi j'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. C'est un peu comme des êtres, à un moment donné, sont faits avoir en disant, moi je fume, mais l'énergie mentale qui me traverse transmute les effets négatifs de la cigarette. C'est ça, mais c'est même pas vrai. Ça, c'est une religion mentale. C'est ça, et c'est faux. Mais oui, c'est faux, ton corps, l'énergie supramentale, ça transmute ça, elle brûle. Bon, elle transmute pas, elle transmute, écoute, on va transmuter l'astral avant de transmuter le physique, fait que je fumerai pas. J'ai beau transmuter les effets négatifs de la cigarette, mais il faut que je n'achète des cigarettes. Pendant ce temps-là, je reste pauvre. Ah, moi, j'achète chez moi. Je suis moins pauvre. Mais karmiquement, tu te ramasses encore. Ça serait plus simple de ne pas fumer que de transmuter. Tu la prendras à autre chose, ton énergie. Donc, si tu fumes, c'est une chose. Mais l'idée, c'est de cesser de rationaliser, soit en religion, parce que Dieu l'a voulu, ou soit du point de vue supramental, donc la religion mentale, qui, insidieusement, apparaît de plus en plus à travers les conscientisés. C'est une spiritualité placée au niveau du cartésien. Parce que ceux qui disent aussi, là, bon, le PDG qui est en bas, puis qui se dit, l'administration devrait descendre. Mais c'est... Il a raison. Mais c'est... Non, mais elle ne descendra pas. Non, mais on ne sait pas. Non, je sais, mais disons qu'il a raison. À son niveau... C'est vrai! Dans le mental, c'est vrai! Sauf que si moi je suis à sa place, je vais prendre le métro vertical, l'ascenseur, je vais monter, puis je vais le rencontrer. Puis les gens vont dire, ah oh oui, mais lui, il se putaine. Je parle de ceux qui sont en bas. Il va dire, je me putaine pas, moi je suis bien. Tu te putaines pas, tu t'es pas bien. C'est tout! L'humain doit comprendre qu'il doit laisser des balises. Ces balises-là sont extraordinairement utiles. Contexte humain important, essentiel, uniquement pour rester ce que tu es. Bon. Il y a toute une panoplie, je dis souvent, imaginez tout ce que vous feriez pour un être humain que vous aimez. Puis la majorité des êtres humains vont être plus attirés à mieux faire pour des enfants, disons leurs enfants. Et maintenant, imagine que tu es ton enfant et fais, toi, ce que tu ferais pour lui. Bon, le laisserais-tu manger tout ce qu'il y a comme scrap? Non, mange-en plus. Considère-toi comme ton enfant. C'est une balise extraordinaire. Par exemple, tu vas lui acheter des souliers qui lui font pas mal aux pieds. As-tu des souliers comme ça? Tu vas lui, ça lui tente de faire du badminton. Bon, à un moment donné, ben, tu vas aller lui acheter une petite raquette de badminton. Toi, ça te tente de faire du badminton. Probablement que tu n'iras jamais en faire. Bon, ça lui tente d'aller voir un film, tu vas y aller avec lui. T'es tout seul, ça te tente d'y aller, tu n'iras pas. Tu ne le payes pas. Alors, l'humain doit s'arranger. Les premières balises, c'est pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ton linge, par exemple, dans tes tiroirs, est-ce que c'est du linge placé par quelqu'un qui t'aime? Bon, vous avez votre garde-linge, par exemple, vous avez vos bureaux, des tiroirs, vous ouvrez vos tiroirs, La personne qui fait votre lavage et qui vous aime énormément place votre linge comment? N'importe quelle main comme son nom. Non, si elle vous aime, elle aura astralement le temps et l'énergie pour plier, classer, ordonner. Si c'est toi qui places ton linge, aime-toi. Ah, et là, quand tu es tout seul chez toi, tu es célibataire, par exemple, tu ouvres ton tiroir pour prendre une paire de bas, tout est bien placé, tout est en ordre, il y a quelque part quelqu'un qui t'aime. Ça te nourrit. C'est toi, mais ça te nourrit. Par exemple, tu couches avec un pyjama. Ton pyjama, quand tu te pars le matin, tu le plies convenablement, tu le mets sur ton lit, tu le mets dans ton tiroir, tu le mets une place propre. Exactement pour que quand tu arrives chez toi, ah! Il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'accueille, qui a placé les choses pour que quand tu arrives, tu sois à l'aise. Dans un hôtel, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens. Alors, on fait le ménage, la femme de ménage passe tous les jours, elle te dérange, elle te sort de là, bon. Mais quand tu reviens, tu vas faire une marche, puis quand tu reviens, tout est repropre. C'est plaisant. Bon, l'être humain, ça fait partie des balises. Puis le fer de lance, quelles sont les balises qu'il peut mettre? Le fer de lance, la première balise qu'il doit mettre, évidemment, c'est les balises que tout le monde doit mettre. En partant, c'est s'arranger pour créer un contexte totalement parfait dans son cadre de vie. Pour qui que ce soit. Ça veut nécessairement dire qu'il va engager quelqu'un pour le faire ou il va le faire lui-même. Mais la religion mentale va dire, je n'ai pas à le faire moi-même, moi je vais engager quelqu'un, tu n'as pas d'argent pour l'engager. Ah, oh, ben écoute, j'ai à en avoir de l'argent. Ça, c'est la religion mentale. L'être humain doit comprendre qu'on est descendu en l'an 1200. Oui, mais ça donne que quand on était transporté en 1200, il y a une automobile qui nous a suivis. Fait qu'on serait fou d'aller au château là-bas à pied. Autant il y en a en automobile, le réservoir est plein. Non, c'est en 1200. Une automobile, là, la meilleure chose que tu peux faire avec, là, c'est de la démolir au plus vite. Pas de la prendre pour aller au château. Ça va créer une panique majeure, puis les autres, ils vont, pour la première fois de leur vie, vont avoir vu le diable. Mais bon. Ouais, mais t'as dit qu'il fallait que ça... Le moine disait qu'il faut que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps. C'est ça. Mais est-ce qu'on est encore ici, à cette époque-ci? C'est exponentiel, c'est beaucoup mieux. Mais on est encore à cette époque-ci comme ça. C'est-à-dire, c'est ce que de dire, on est très collé. Alors, on était à cette époque-ci. Donc, très comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans une époque actuellement où on tolère, avec une tollée de protestation, mais on tolère des pensées différentes. C'est qu'on les envoie pas au bûcher. Ni à l'asile. Ça l'aide. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les êtres humains vont accepter de se côtoyer, les êtres conscients vont accepter de se côtoyer. Bon, prenons l'exemple de l'homosexuel. Le conscientiser socialement, c'est un peu un homosexuel du point de vue des problématiques astrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les homosexuels, ils sont rejetés partout. Et à un moment donné, ils vont créer le village gay. C'est un ghetto. C'est un ghetto. Alors, ils créent le village gay. En créant le village gay, ils se créent une puissance. En se créant une puissance, ben, ça crée du respect à l'extérieur. Ils ont une puissance financière, donc ils ont d'autorité temporelle. Ils ont d'autorité. Ils sont donc beaucoup mieux, et évidemment, le village gay, il y en a un peu partout sur la planète, les villages gays. Alors, ça crée de gros avantages. Bon. Maintenant, c'est évident qu'à un moment donné, c'est pas suffisant, mais eux, là, justement, ils en font un ghetto. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se taire et là. Oui, mais c'est justement, il y a quelque chose qui amoindrit énergétiquement. Oui, sauf qu'ils sont mauditement mieux qu'avant. Avant, ils étaient à l'hôpital, ils étaient tués ou ils étaient à l'asile. En tout cas, ils sont libres. Mais les conscientisés, sont-ils dans une position aussi précaire? Oui, absolument. Les conscientisés, pour être réellement ce que vous êtes, vous autres, ben, il faut se créer un ghetto. Mais disons, un œuf-to. Un œuf soto. Pas un village gay, c'est un village en soto. Ça veut dire qu'il faut absolument que, prenons l'exemple, vous avez des enfants, ils vont se faire éduquer par les autres. Ils se font massacrer par les autres. Vous devez aller travailler ailleurs sans arrêt, les balises, c'est compliqué d'en mettre partout. Quand tu balises trop, les gens voient que tu as mis des balises, les gens s'inquiètent, les gens détruisent les balises, les gens piratent les balises, les gens te font du mal, uniquement parce que c'est correct. Ben, c'est sûr que tout seul, c'est plus dur de mettre des balises. Donc, c'est préférable que les gens s'associent de plus en plus. Et il y a toute une démarche pour que les gens s'associent qui est là, qui est faite, qui est facile. Sauf qu'il faut que les gens se conscientisent de plus en plus pour avoir de plus en plus l'idée de se risquer à. Par exemple, nous rencontrons, et ça s'est fait régulièrement à travers le temps où les individus n'étaient pas dans le bon temps. À un moment donné, il y a des individus qui ont fait un monastère. Le monastère, c'est quoi? C'est un ghetto. Au début, c'est sûr que progressivement, tu acceptes des figurants dans le ghetto. Bon, nous sommes tous des moines et des moinesses, des moineaux. Et puis, on décide de se faire un ghetto, alors on fait de grands murs, on fait un monastère. L'endroit où vivent les moineaux. C'est là qu'on va, d'ailleurs, on va développer le langage des oiseaux. Bon, alors pour que personne puisse nous comprendre. Mais ce qu'on doit saisir là-dedans, c'est que nous sommes 300. Et à 300, nous ne sommes pas autarciques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver, faire le linge, faire les pièces de cuir, de métal, on n'est pas suffisamment autonome. Notre société n'est pas complète, n'est pas globale. Alors nous disons, nous sommes tous conscients, alors qu'est-ce que nous faisons à l'an 1200? Nous disons, nous allons créer des hiérarchies à travers l'ordre monastique et nous allons créer une mécanique initiatique pour faire en sorte d'initier les gens lorsqu'ils vont monter de niveau. Mais en réalité, nous sommes les premiers. Nous savons, nous n'allons pas faire d'ordre initiatique pour initier les gens. Nous allons faire des ordres initiatiques pour filtrer les gens. Parce que dans 50 ans ou 40 ans ou 20 ans ou dans un an, nous allons ouvrir nos portes au monde extérieur et à travers tous ceux qui vont se présenter, il y aura du bon grain, du mauvais grain. Bon, alors il faudra donc des filtres. Pourquoi nous allons ouvrir les portes à l'extérieur? Parce que nous avons besoin de cultivateurs, cultivatrices, besoin de tisserands, de tisseranes. Nous avons besoin de monde. Parmi ce monde-là, ce sera des figurants. Mais... Alors, à un moment donné, le monastère ouvre ses portes. Alors, le monastère, on construit, etc., on ouvre les portes. Et là, il se présente 2 000-3 000 personnes qui sont absolument emballées par ce que Dieu nous donne. Bon, mais le Dieu, c'est notre contact avec nous-mêmes dans l'avenir. Mais eux, on n'est pas pour leur expliquer ça. Là. Bon, la Terre, c'est le centre de l'univers, le soleil tourne autour, puis c'est parfait. Bon, alors on ne va pas s'obstiner. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on fait rentrer des gens, et les gens rendent tout à l'ordre monastique zéro. Et au départ, ils doivent être initiés. Alors, toi, tu arrives, toi, toute fringante, tu me dis, moi, là, je suis un être de tel, tel niveau. Moi, je n'ai pas de problème, pas de problème. La vaisselle là-bas, on va laver. Bon. Alors, toi, tu es frustré, tu n'es pas frustré, mais la chose est certaine, c'est que progressivement, tu vas te rendre compte que pour parvenir à atteindre les gens de ton monde, il faudra que tu laves la vaisselle. Là, tu te rends compte qu'il y en a un qui lave le plancher, il y en a qui coupe le foin, il y en a qui peinture les maisons. Puis ça fait bizarre, c'est comme exploiter. Tu sais, la tête exploite le peuple dans le monastère. Mais c'est simplement parce qu'il y a des figurants. Et là, maintenant, nous sommes 2 000-3 000 dans le monastère. Nous sommes capables de vivre à un niveau plus ajusté à ce que nous sommes. Nous sommes capables de mettre plus de temps à la descente d'intelligence, donc au rayonnement, plutôt qu'à travailler pour vivre. Parce que d'autres gens viennent travailler pour vivre. Et en échange énergétiquement, ils reçoivent de notre énergie. Ça confortabilise leur rêve, même si ce sont des figurants. Et toi, à un moment donné, ben, après avoir fait la vaisselle, fait les initiation par initiation, tu arrives en haut. Et il y en a pas qui n'arriveront jamais en haut, parce que les structures initiatiques n'ont pas été faites pour les aider à monter, elles ont été faites pour filtrer. Ceux qui ont monté montent, ceux qui n'ont pas monté montent pas. Pour que tout le monde soit heureux. Ben, c'est ça, ils vont être heureux en bas. Là. Pour que tout le monde soit heureux, ils vont être heureux en bas. S'ils montent, ils vont être malheureux en haut. Ils ne comprendront rien. Ils vont avoir des responsabilités, ils vont avoir un stress, et c'est eux autres qui, normalement, vont faire des sectes à un moment donné. Parce que le système de filtration n'est pas assez puissant. Ils vont partir pensant qu'ils ont compris plus que ceux qui ont instauré les choses. Ils partent en guerre, ils partent contre, etc. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que si on considère actuellement la fin du 20e siècle, créer une mécanique, ça peut être un village, mais le village, ça, c'est énergétiquement, disons, qu'un village, ça permet à tout le monde de créer une association. Ça veut dire que pour former le premier monastère, il faut que les gens acceptent de tout faire pour le monastère. Ça veut dire que les gens ne se créent pas un monastère en ayant chacun un petit monastère extérieur, en se disant au cas que le gros monastère ne fonctionne pas. C'est sûr qu'il ne fonctionnera pas à ce moment-là. Ben, il va manquer trop de pierres. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on défasse tous les petits monastères de tout le monde pour recréer le gros monastère. Et c'est logique. Sauf qu'actuellement, parce que l'être humain a une vision dans l'astral, l'humain préfère perdre sa vie que de risquer de se faire fourrer. Alors, c'est là que tu t'es fourré. Tant qu'à perdre ta vie, pas perdre ta vie, au moins faire 3 ans le temps que tu es là. Essaye-toi. Bon. Et surtout, l'humain va éliminer des choses quand l'humain se risque. Il y a des personnes ici qui ont perdu plusieurs choses dans leur vie à un moment donné en se risquant. Sauf qu'ils ramassent quoi? Ils ramassent des... Minimum, ils éliminent les faux amis autour d'eux. Et finalement, ils risquent beaucoup moins. Ben, ils risquent moins, certains. Tu passes ta vie dans l'hypocrisie de... Tu meurs ou tu fais éclater l'hypocrisie rapidement. Tu dis, oui, mais il ne me reste plus rien. Écoute, tu n'as jamais rien eu de toute façon. Bon, tu n'es pas plus malheureux, malheureuse, qu'avant, mais tu as moins dans matière. Sauf que l'avantage qu'il y a, c'est que tu es beaucoup plus libre de trouver les individus qui sont les vrais pour réussir à faire quelque chose. Mais moins l'humain veut risquer, plus les choses prennent du temps. Puis une autre chose aussi, ils disent qu'ils ont moins dans la matière, mais ils oublient leur corps physique quand ils disent ça. Bien, c'est évident. Parce que la plupart du temps, avec tes vrais amis, t'as un corps plus en santé. Il y a un bonhomme qui disait souvent, de toute façon, si on rencontre les individus qui sont nos vrais amis, si on fait faillite dans l'entreprise, on pourra au moins toujours aller s'asseoir et jouer ensemble. Il reste au moins ça. Puis ça, c'est effectivement le plus important, parce qu'il ne reste plus rien. Il reste nous autres, parfait. On s'assoit et on dit, bon, ben là, maintenant, on fait quoi? Ben, c'est pas long que ça va recommencer, puis vite. Mais parce que tout le monde, en plus, aura éliminé des parties du rêve qui ne leur appartient pas, on va reconstruire plus vite. Le Japon, après avoir été anéanti, est devenu une puissance. L'Europe a été balayée, ça a grimpé plus vite qu'un paquet de monde. L'Allemagne, qui a été détruite, qui a été aidée, a grimpé plus vite. C'est continuellement comme ça. Bon, il y a des hommes d'affaires qui font faillite 3, 4, 5 fois dans leur vie. Puis la dernière fois, quand ils meurent, ils ont le plus gros des empires qu'ils ont jamais eu. Donc, l'individu qui perd tout, s'il sait s'entourer, s'il sait rester lui-même, s'il ne se donne pas de la valeur en fonction de ce qu'il a, mais plutôt en fonction de ce qu'il est, il rebondit n'importe quand, mais lui, il se risque. C'est évident qu'à un moment donné, on s'arrange pour amener l'individu dans des risques qui ne sont pas convenables et il se casse la gueule. L'humain qui, au départ, ne sait pas discerner entre le risque, le danger et le semblant de risque, mais qui n'est pas dangereux, bien, il peut se casser la gueule. Mais c'est sa seule façon, en tant qu'être humain non complet, d'expérimenter l'intelligence. Mais quelle est la différence entre les deux? Entre le risque, le vrai risque et le faux risque? Bien, le faux risque, c'est que tu as peur d'y aller, mais c'est ton chemin. Puis le vrai risque, c'est que tu as peur ou tu n'as pas peur, mais tu n'es pas là, faut t'aille. Que ça réussisse ou pas matériellement, tu n'es pas dedans. Tu vas être millionnaire et tout abandonner. Tu n'es pas dedans. L'humain qui n'est pas dans son chemin, même si financièrement ça fonctionne, quand tu es dans le chemin d'un autre, puis l'autre, son chemin, c'est d'être riche. Qui est riche? Mais c'est pas la vie. Pour se trouver un baromètre, est-ce que nous, on est un baromètre? Voir pour la personne qui a discerne, si elle se risque, puis elle devient millionnaire, mais qu'elle n'a plus de santé, plus d'amis. Très, très, très simple à comprendre. Il n'y a pas un être conscient qui peut travailler pour quelqu'un d'autre. À moins que l'autre soit un être conscient. Puis à ce moment-là, il ne travaillera pas pour lui. Bien, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour l'être conscient, c'est ça. Autrement dit, si tu es ma patronne, tu es un être conscient, nécessairement, si je travaille pour toi, je travaille pour moi. Bon, donc je travaille pour toi. Puis on crée une hiérarchie dans l'astral, tu es la patronne, bon, parce qu'astralement c'est important, mais quand on va se rencontrer, j'aurai jamais l'impression que tu es patronne. Sauf si je reste encore médiocre, que je te mets patronne. Je te respecte en tant qu'être humain, au niveau de ta valeur, mais pas au niveau hiérarchique. C'est pas nécessaire, c'est ridicule. Bon. Mais l'être humain, c'est fondamental. Toutes les personnes qui travaillent pour quelqu'un d'autre sont des êtres qui sont dans des carcans limitateurs. Bon. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'une personne va dire, bon, mais d'abord, moi, je lâche mon emploi, puis je me pars un petit business. Ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de balise. La personne, elle va laisser son emploi, puis elle ne saura pas quoi faire. Tout ce qu'elle va avoir entendu à un moment donné, c'est qu'en travaillant pour quelqu'un, tu n'es pas dans ton intelligence. Et en travaillant pour personne, tu n'es pas nécessairement plus dans ton intelligence. Non, c'est une question d'énergie. Prenons un exemple. Une personne, elle enseigne. C'est un professeur. Bon. Elle travaille donc nécessairement pour quelqu'un d'autre. Si elle a la capacité, philosophiquement au niveau pédagogique, d'appartenir à une version de l'éducation qui appartient à son monde, même si elle est payée par un système, elle travaille pour elle. Et pour ça, il faut qu'elle soit dans une énergie où elle comprend la version pédagogique des mondes et elle comprend que dans le passé, dans le temps archaïque de 1993, elle doit appliquer certaines choses comme ça. Ça, c'est une manière de créer des balises pour ceux qui font partie de la lance. Oui. Puis, ceux vont te parler de l'exemple du monastère, mais une manière concrète pour nous actuellement... De créer des balises? Oui. C'est quoi? C'est l'ordre, le ménage, l'ordre de sa maison, l'ordre de ses vêtements, l'ordre de son entourage automobile, la cour, etc. C'est l'ordre de son corps. Donc, avoir un corps en santé, avoir un corps qui est correct, qui est en forme, pas qu'en santé. Il y en a qui sont en santé, qui ne sont pas en forme. Il y en a qui sont en forme, qui ne sont pas en santé. Il faut être en santé d'être en forme. C'est les balises premières. Ensuite, avoir des contacts relativement réguliers avec des individus de même calibre. Ça veut dire se réunir minimum une fois par mois. Ça peut être lors des soupers Genesis, par exemple. C'est déjà une balise. C'est que tu appartiens à un monde. Tu appartiens, astralement, on va dire, tu appartiens à un groupe particulier. Bon, pour les égos, c'est important, mais c'est une balise. Dans le contexte astral, c'est une balise. Du point de vue de l'intelligence, on n'a rien à foutre. Sauf que dans le contexte actuel, c'est une balise énergétique. Elle est importante. Bon, donc tu as une balise. Tu peux réunir des individus, partir une compagnie, tu peux écrire un livre, tu peux faire une revue, ça peut être n'importe quoi. Il y a des balises comme ça. Sauf que les balises, ça c'est des balises mineures. Le reste des balises, ça va être quoi? Ça va être de s'arranger pour continuellement être à l'affût de l'expression d'intelligence dans ta société. Puis quand tu es continuellement à l'affût de l'expression d'intelligence, ça veut dire que du moment que tu vois d'intelligence, tu t'arranges pour communiquer avec elle. Soit en écrivant une lettre à l'individu lui disant que ce qu'il a fait, c'est correct. En lui disant, écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre à un moment donné, juste pour placoter, juste au restaurant comme ça, uniquement au minimum, pour pouvoir se dire qu'on connaît d'autres mondes qui pensent comme nous autres. C'est clair. Parce que quand j'aimerais ça vous rencontrer pour parler d'un projet que je veux faire, des têtus humains, il y en a plein. Fait que l'individu ne peut pas discerner entre une lettre d'un têtu et une lettre d'un pas têtu. Mais quand c'est à un moment donné, juste histoire qu'on puisse se dire mutuellement qu'on se connaît, c'est d'amitié, là. Tu vas avoir des rendez-vous souvent. Mais ça, avec n'importe qui. Bon. Ça, c'est des balises qu'il faut créer. Puis les balises majeures, évidemment, ça va être de supporter tout ce qui se fait en tant que quantité dans l'intelligence. Ça veut dire des compagnies intelligentes. Ça veut dire des visions intelligentes. Puis évidemment, plus là, on parle de balises. Plus on va aller vers une balise, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut créer une association, un groupement. Ça peut être style compagnie comme la société de portefeuille Investors. Ça peut être syndicat des jeunes, par exemple. Ça peut être des choses du genre, ou comme par exemple Alliance Corporation Jeunesse. Créer des mécaniques plus d'envergure au niveau social, comme si on était en l'an 1200, puisqu'on voit de la stupidité partout. À un moment donné, on va aller voir l'évêque du coin, puis on va essayer ou encore un monastère, puis on va essayer de s'arranger pour créer une œuvre de charité. Eux vont embarquer dans l'œuvre de charité. Nous, on va dire, on leur dira pas, écoutez, il faut créer un nombre de formes privilégiant l'expression d'intelligence et esthétisant les mécaniques interventionnelles entre les plans divins. Là, bon, mais... on va dire, on va créer une œuvre de charité pour aider les, la ligue de la population, les gueux qui traînent dans la rue, les sans-culottes. Là, eux autres, ils vont embarquer. Mais nous, on s'est pas putainés. On a parlé le langage des Autochtones. Mais là, ce que tu amènes, c'est justement très bien. Il y en a plusieurs qui vont faire ça, par exemple. Ben oui. Qui vont employer le mauvais vocabulaire, qui ne seront pas ajustés. Plus... Mais ça, c'est les religieux mentaux. Ça, faut détruire les mentalisateurs. Ben oui. C'est au 20e siècle. Entre nous, on parle 30e siècle. Ne range pas, on parle ailleurs. Mais quand tu rencontres le monde, tu parles leur langage et le rayonnement que tu vas dégager va lentement les amener à comprendre les subtilités du langage et progressivement, eux-mêmes vont être capables d'accepter de nouveaux mots. Mais pas au départ. Ça veut dire nécessairement qu'au niveau du vêtement, c'est une balie, s'habiller de plus en plus progressivement, s'habiller de mieux en mieux et en direction du temps d'où tu viens. Mais tu ne pars pas de l'an 1200, tu t'habilles en l'an 1900. De progressivement. De toute façon, ça va avec l'énergie que l'individu a lui-même. Ouais. Parce qu'il y en a qui partent en grande, mais ils supportent religion pas. Religion mentale. Eux, ils font encore... Ben, il me semble que moi, là, j'ai pas à... Parce que je m'organise comme je veux, là, tu t'habilles... disons que là-bas, t'es habillé un peu avec... c'est l'extraterrestre, avec des grandes épaulettes de métal, puis des affaires reluisantes, puis bon, des grosses bottes ici, là, avec de l'air qui sort par en dessous. Là, tu décides, ben moi, il me semble, j'ai pas à me cacher, mais tu t'habilles demain. Ah, pas de problème. Tu peux peut-être avoir un petit rôle infime. Ça peut arriver. Mais tu ne l'as pas. Tu vas chercher un emploi, puis tu arrives là, puis bonjour, mon nom, c'est Grog. Grog. Tu sais, non, même pas, c'est Glock, mon nom. Glock. C'est Glock. Alors, je viens de la planète Krypton et je veux un emploi comme journaliste. Juste quand tu m'as demandé comment tu appelles ça, Glock, j'ai deux ailes au cul. Ils vont trouver que t'es pas mal flyé. C'est parce que... Il faut que le monde comprenne que c'est pas parce qu'ils touchent un petit peu à de l'intelligence qu'ils sont déjà rendus... intelligent, qui rayonne déjà. C'est que quand tu touches à de l'intelligence, là, tu t'en sers au 20e siècle. Et tu t'en sers au 20e siècle le plus rapidement possible dans le but de te créer ce qu'il te faut toi pour décamper. On doit se faire, autrement dit, un vaisseau spatial. Sauf que le vaisseau spatial, tu ne le crées pas en plein milieu de la place machin chouette à Rome. Et avec les Romains, où tu n'en vas pas voir Arthur ou les Anglais avec leur Inquisition, tout ça, puis tu essaies de bâtir une bebelle, puis c'est quoi ça? C'est un vaisseau spatial, c'est un transport séraphique, oui. Quittez votre cauchemar! Tu vois qu'il va y avoir... On sait pas, peut-être les allumettes ne sont pas inventées, ils vont trouver le moyen de mettre le feu quand même. Écoutez, même Robin des Bois, il serait contre vous. Et les meilleurs du passé seraient nos pires ennemis. Alors, tu arrives ici, c'est un peu la même chose. Puis parce que tu n'as pas les moyens, mais c'est en l'an 1200, tu dis, on va se créer un fil électrique. C'est un petit fil de métal, bien lisse, recouvert d'un enveloppe de plastique, pas plein de bourrelets, là. Bien lisse, elle aussi, là. Tu peux pas créer ça. Fait que c'est pas long qui te dit, écoute, c'est ça qu'il faut. Tu crois plus à rien de ce que tu veux faire, de ce que t'es toi, ni du monde d'où tu viens. À chaque matin, quand tu te réveilles, plus les journées passent, plus tu es sûr que le monde d'où tu viens fait partie du rêve. Ben, c'est ce qui arrive parce que la technologie n'est pas adaptée à ce que tu peux faire. Mais là, tu as dit une chose, tu as dit, même les meilleurs, c'est contre nous. Est-ce que c'est pas un peu ce qui arrive actuellement? Tant qu'on n'est pas assez ajusté. Oui, c'est pourquoi on doit progressivement amener des preuves. Tu commences par une œuvre de charité locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu donnes un peu à manger aux pauvres de la rue, comme les meilleurs de ta société. Ça veut dire que progressivement, ben, tu prends le contrôle des meilleurs de la société, tu organises une œuvre de charité. progressivement, tu prends le contrôle de, des compagnies ou de, etc., tu les inclus un peu dans ton œuvre de charité. Progressivement, tu esthétises l'affaire. Ça nous nourrirait nous-mêmes? Bien, ça te nourrit toi-même. Surtout, c'est qu'à un moment donné, tu vas découvrir d'autres gens comme toi qui dorment dans ces coins-là. Puis eux dorment tellement, puis ils ont tellement souffert d'essayer de se réveiller tout seul, qu'ils sont organisés pour mettre fin à tout ça. Mais quand tu les rencontres la première fois, tu leur dis, écoute, moi, je viens de l'an 1900. Eux autres aussi viennent de l'an 1900. Ils ont tellement souffert de tout ça, qu'ils ont tellement rencontré de fous, qu'ils veulent plus te voir. Fini là. Alors, progressivement, il faut que tu arrives à les réveiller lentement. Tu ne réchauffes pas quelque chose qui est gelé, qui sort du congélateur d'un coup, il va casser. Ça prend du temps. Puis, la prochaine chose à faire, la prochaine balise pour le fer de lance, là, c'est quoi la prochaine chose à faire? On ne dit pas ça maintenant. On sait. Non. C'est que ça ne regarde pas la fable, ça ne regarde pas tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de le dire. Parce que ça va devenir plutôt une carotte trop puissante en avant. Ben, elle va apparaître progressivement. On en reparlera. Puis t'as parlé aussi... faites-moi confiance. On a parlé aussi de l'amitié. Bon. Puis ça, c'est une grosse chose qui est importante dans la synergisation au niveau de la lance, du fer de lance et tout ça pour une société nouvelle, l'amitié. Mais on a plein de choses à détruire dans l'astral, parce qu'en affaires, dans l'ère du poisson, l'amitié, c'est totalement incompatible. Bien, c'est sûr que il n'y a pas d'amis en affaires. Alors que ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les affaires, ça n'existe pas pour l'être conscient. Oui, mais même les conscientisés croient ça. Oui, mais des conscientisés, c'est des conscientisables, c'est pas des conscientisés. Bon. Alors, en affaires, les affaires n'existent pas dans la réalité. Tu ne peux pas passer une partie de ce que tu appelles la vie, tu coupes, paf, on va travailler, là, je vis plus, là, je travaille. Ça, c'est des affaires, ça plein d'argent, quand on sort de là, paf, je travaille plus, là, maintenant, je vis, là, tu dépenses. Là, quand tu n'as plus rien de dépenser, paf, tu vis plus, tu vas travailler, tu ramasses de l'argent. Le travail, le sommeil, l'alimentation, la douche, le plaisir, le jeu, ça, c'est la vie. Un être humain conscient ne peut pas faire de séparation entre les affaires, la famille, dehors, tes vacances, tout ça, c'est intimement lié. Tu devrais t'occuper plus de ta famille. Ça fait partie de l'ère ancienne, ça. Ma famille devrait s'occuper plus de mes affaires. Ça fait partie de l'ère transitive. C'est-à-dire que toute la mécanique au complet doit être la même chose. Si toute la famille est dans les affaires, si toute la famille est dans la politique, même quand on est en vacances sur le bord de la mer, on pense affaires. Bon, relax! On pense politique, on pense monde nouveau, on pense conscientisation, on pense santé, mais on relaxe. Bon, mais tu ne peux pas dire, moi, il y a une heure, je m'occupe de ma santé. Après, on va la détruire. Hey, il y a une chose à la fois, c'est la vie. Bon, mais les humains, c'est ce qu'ils font, ils partent travailler, c'est leur vie. Tout le temps, 24 heures sur 24, ben, en réalité, disons 23 heures, 56 minutes et quelques, bon, 4 secondes sur ça, tu vis. L'être qui se conscientise ne peut pas faire, il ne fait plus de séparation entre l'œuvre de charité, la méditation, l'alimentation, le sommeil, l'entrée de fond, donc les affaires, le travail, le contrôle. C'est la même chose. Il y a aussi une autre chose, c'est que dans les balises, il va y avoir un empire financier. Ça, ça fait partie. Bon. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de matière. Mm-hmm. Pour... Ça, il faut beaucoup d'humains conscients. Pour avoir beaucoup, beaucoup de matière. Surtout pour être capable de l'utiliser après. Ça, c'est beaucoup d'humains conscients. C'est qui, ça? C'est la langue? C'est plein de monde. L'intelligence, présentement, il y a des mécaniques qui font en sorte que rien n'est pressant. Parce que chaque fois que l'intelligence est intervenue, les gens ont fait des religions. La prochaine religion qui va apparaître suite à l'intervention de l'intelligence supramentale, c'est la mentalisation, qui est une religion, une spiritualité mentale. C'est déjà apparu d'ailleurs? Ben, c'est déjà là. Des prêtres? Oui. Sauf que ce qui arrive, c'est que toutes les choses sont donc relativement lentes pour laisser le temps à un maximum de gens d'être suffisamment conscients pour être capable de vibrer totalement la réalité de ce que c'est qu'être nouveau. Mais au 20e siècle. Être nouveau, il traverse les murs. Oui, écoute, il faut des murs traversables, mais pas au 20e siècle. Bon. prend son temps. Et progressivement, ça va de plus en plus vite parce que les temps bougent. La balise, l'une des grosses balises, c'est pas celle que je peux parler, mais une des grosses balises va être évidemment l'empire financier. Alors, thank you.